Mon enfant de Berlin, Mon enfant de Berlin. Dan Wiaziemski. Adaptation, Victoria Cario. Troisième épisode. Un chagrin d'amour, certainement. Automne 45. Claire, fille du célèbre écrivain François Mauriac, vit depuis quelques mois à Berlin. Sous la tutelle de la Croix-Rouge, elle est chargée de rapatrier les prisonniers de guerre français. Au sein de cette petite communauté cosmopolite avec laquelle elle travaille, elle fait la connaissance de Via, un officier d'origine russe. Ils tombent amoureux, mais depuis Paris, les parents de Claire s'opposent à cette union. Quatre jours durant, Claire s'enferme dans une sorte de mutisme sombre qui surprend tout le monde. Aux questions qu'on ne manque pas de lui poser, elle répond évasivement en évoquant la migraine. Le lendemain, silencieux à son tour, Via affiche des mines de chiens battus qui auraient pu faire rire mais qui font pitié. Claire est là-haut ? Bah faites pas cette tête-là, tout va s'arranger. Alors, elle est là-haut ? Claire vient de sortir, seule. Si vous tenez à lui parler, c'est le moment. Mais lui dites pas que je vous ai prévenu. Merci. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle fait dehors par cette nuit glacée ? Un rendez-vous galant ? Pas dans cet immeuble, tout de même. On ne peut pas rester ici. Oh, Via, c'est si bon de te voir, si bon. Via, tu sais, si je suis venue ici, c'est pour... c'est... Quoi ? Dis-moi. Jure de ne pas me juger. Je ne te jugerai jamais, Claire. Dis-moi. Il y a ces femmes allemandes. On leur enlève leurs enfants. C'est terrible. C'est injuste, effroyablement injuste. Oui, et ? Je suis venue... Je suis venue pour prévenir l'une d'entre elles qu'on viendrait lui enlever son enfant demain. Dis-moi que tu me comprends, Via. Claire, je t'aime. Je t'aime tant. Alors, à nouveau amis ? Oui. Et amoureux ? Oui, Mistou. Amoureux, très amoureux. Pour toujours. Novembre 1945. Ma chère maman, mon cher papa, un avion part demain matin et un ami vous remettra cette lettre en début d'après-midi. Pardon d'avoir tardé à vous écrire, mais je viens de passer 4 jours épouvantables. Je ne savais plus ce que je voulais et je ne savais plus, je crois, qui j'étais. Mais sans doute était-ce nécessaire. Ce que j'ai à vous dire est de la plus haute importance, car il s'agit de mon bonheur, de ma vie. Via m'aime et je l'aime. Il aime sortir le soir et je déteste ça. Il aime voir des amis et je déteste ça. Il aime raconter des histoires drôles et je déteste ça. Nous n'avons aucun point commun, mais je pense que c'est peut-être avec lui que j'ai une toute petite chance d'être heureuse. Je vous demande de m'accorder la permission de l'épouser et de me faire savoir au plus vite votre réponse. Je serai comme prévu à Paris le 12 et Via espère obtenir une permission de 24 heures pour vous être présentée. Chère maman, cher papa, je vous embrasse avec toute ma tendresse. Votre petite Claire. PS, je ne suis pas sûre de faire une princesse bien présentable. Ça fait combien de temps qu'elle y est ? Une demi-heure. C'est pas bon signe, hein, je vous le dis. Tais-toi, tu vas lui porter la poisse. Vous allez voir qu'elle va aller convaincre notre clarinette. Ah. Ah, enfin ! Alors ? Traquons à notre futur mariage. Champagne ! Félicitations ! Félicitations ! Mais vous vous mariez, oui. Je suis si heureuse. Dure négociation. Claire ? Vous savez à quoi ça tient ? Un mariage entre une fille de la bourgeoisie française et un ex-prince russe spolié de tous ses biens à cause d'une révolution ? Non. Donc, papa se méfie. À Paris, tous les Russes sont des chauffeurs de taxi ou des musiciens de boîte de nuit, qu'ils soient princes ou pas. Que faire ? Que faire ? Se lamente maman en relisant pour la énième fois ma lettre. Papa a une idée. Téléphonons à Troïa. Troïa, Henri Troïa est un grand ami de mon frère aîné, Claude. C'est un ex-russe comme Villa, exilé comme Villa. La seule différence, c'est qu'il a pris un pseudonyme et qu'il est écrivain. Il a même obtenu le Goncourt en 1938 avec un livre qui s'appelle L'araignée. Et je peux vous dire que ce jour-là, il a fait une sacrée fête. Premier rapprochement franco-russe. Comme tu dis. Donc, coup de téléphone à Troïa, durant lequel papa le charge d'enquêter sur ce soi-disant prince qui se fait appeler Ivan Vyazemski. Troïa, qui le devine très inquiet, essaye de le rassurer. Ce nom m'évoque quelque chose de pas mal du tout, vous savez. Je vous rappelle. Papa rejoint maman au salon. Ils sont tellement nerveux, ne peuvent rien faire d'autre que d'attendre. Maman, comme toujours, envisage le pire, et dans ce domaine, c'est une championne. Papa s'énerve. Taisez-vous, Jeanne, pour l'amour de Dieu, taisez-vous. Je crois les entendre. Dring, dring, dring. Il se rue sur le téléphone. Papa décroche et entend Troïa enthousiaste, ravi. Ce n'est pas que c'est pas mal, Vyazemski, c'est bien. C'est très, très bien. On ne peut pas faire mieux. Et de lui raconter qu'Ivan descend d'une des plus anciennes familles de Russie, qui remonterait à l'an 800, je crois. Oui. Soulagement de mes parents. Maman m'appelle et m'accorde leur autorisation d'épouser Via. Papa prend le combiné et, faisant allusion au post-scriptum de ma lettre, ne peut s'empêcher de me dire « Si tu veux devenir une princesse présentable, je te conseille de t'y mettre dès maintenant. » Voilà, fin de mon histoire. Bravo, quel talent. Coucou. J'ai cru comprendre que nous devons notre mariage à un ex-russe, mais ce nom ne me dit rien. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment un russe ? Via, ne renverse pas les rôles. C'est sur toi que porte l'enquête, pas sur lui. C'est invraisemblable que tu n'aies pas entendu parler d'un jeune russe qui a obtenu la nationalité française et qui a gagné peu après le prix Goncourt. Tu as beau ne rien connaître au monde de la littérature, on en a forcément parlé dans ta communauté. Merci. Vous avez dû être tous très fiers et fêter l'événement. Si ton écrivain est le russe à qui je pense, un des fils Tarassov, notre communauté, comme tu dis, n'était pas partout à la fête. Beaucoup ont été blessés par le fait qu'il a changé de nom en devenant français. Nina, ma sœur, était très choquée et lui en veut. J'allais oublier le principal. Avant même de nous marier, nous sommes désormais trois. C'est un gosse des rues qui me l'a vendu. Il prétend que c'est un pur schnauzer, mais je ne peux rien certifier. On dit qu'à l'origine, les schnauzers sont des chiens d'écurie car ils cohabitent très bien avec les chevaux. Quand je t'apprendrai à monter à cheval, il viendra avec nous. Oh. 5 décembre 1945. Chère maman, il ne faut pas m'en vouloir de ne pas avoir eu le temps de vous dire que j'étais heureuse. Mais vous devez comprendre que je n'ai plus 18 ans et que l'idée de me marier ne suffit pas à me tourner complètement la tête. Je suis très heureuse de cela, j'en suis tout à fait sûre, mais je n'y pense pas toute la journée. Il y a tout le reste de la vie, toutes les horribles souffrances des hommes, l'horrible époque où nous vivons et surtout la certitude de la mort. Dans tout cela, un mariage ne peut être qu'un très heureux incident qui sera peut-être le prélude à des choses très très tristes. Car enfin, pourquoi serais-je éternellement heureuse et épargnée alors que tous les autres souffrent ? Vous retrouver Paris me fera beaucoup de bien. J'aime profondément ma vie à Berlin, mais elle est parfois trop douloureuse. Il me tarde de m'en aller. J'en ai assez et je suis fatiguée. Je vous embrasse avec mon immense tendresse. Ici Paris, radiodiffusion française. Une fois de retour à Paris, Claire prend le temps de revoir ses amis, de se promener dans la ville à la recherche de souvenirs enfuis. L'époque de l'occupation lui semble encore proche. Il lui arrive de s'étonner de ne plus voir les uniformes vert de gris au détour des avenues. Elle a du mal à faire le lien entre les vainqueurs de jadis et les milliers de vaincus qui survivent en Allemagne, à Berlin. Via lui fait parvenir chaque jour une longue lettre pour la tenir au courant des moindres détails de la vie à Berlin. Et enfin arrive la nouvelle tant attendue. Il sera là le 31 décembre dans la matinée, puis retrouvera ses parents et sa sœur Nina à Compiègne, où il séjourne momentanément. Tu ne les verras donc pas. Je dois t'avouer que ça me soulage. Ces présentations de famille à famille me barbent. Je m'en passerai volontiers. L'examen de passage qui m'attend chez toi me suffit amplement pour le moment. Tu crois que ça ira? Avec mes futurs beaux-parents? Oui. Pourquoi veux-tu que ça n'aille pas? C'est drôle, il faut toujours que tu compliques tout. Oui, c'est vrai. Et tu verras, quand tu vivras avec moi, ce sera pire, puisque nous serons tout le temps ensemble. Je plaisante. Viens vite, Ivan. Viens, vite. Depuis que je suis français, je ne m'appelle plus Ivan, mais Jean. Je suis sûr que tes parents apprécieront ma fierté d'être français. C'est important. Ne l'oublie pas quand tu leur parles de moi. D'accord. Via se trompait. La famille de Claire au grand complet adore ce prénom russe si exotique et n'entend pas y renoncer. La personnalité franche et directe du jeune homme leur plaît. Ils se disent prêts à lui accorder leur confiance et la main de Claire. Tout serait donc pour le mieux si un deuil soudain ne venait de les frapper. L'oncle de Claire, le frère de son père, l'abbé Jean, est mort dans des conditions pour l'instant mystérieuses. Claire voit la souffrance de ses parents, de son père surtout, ses efforts pour dissimuler son chagrin de manière à bien accueillir le nouveau venu. Dans des circonstances moins tragiques, elle sait qu'il aurait posé plusieurs questions à Via concernant ses projets d'avenir, ses goûts, sa religion. Elle sait encore qu'il aurait demandé à rencontrer sa famille de façon à se faire une idée plus complète de son futur gendre. Et où allons-nous nous marier? Où tu veux. À Berlin. Notre vie est là-bas. Notre vraie vie. Mais nos parents ne sont plus de la première jeunesse. L'inconfort de Berlin peut leur sembler insupportable. Tu ne crois pas? C'est à Berlin que sont tous nos amis. Quand nous étions enfants, ma mère nous emmenait, ma sœur et moi, jouer ici, au jardin du Luxembourg. Elle donnait toujours rendez-vous aux mères russes au pied d'une des reines de France. Je les connais par cœur. Marguerite de Valois, Blanche de Castille... Quand nous aurons terminé nos missions à Berlin, je crois que je n'aimerais pas revenir vivre à Paris. Où alors? Je ne sais pas. Dans un pays étranger. Loin. À Berlin, le Tiergarten, qui est comme le jardin des Tuileries de la capitale allemande, a reçu en cette période de difficultés alimentaires une nouvelle affectation. Et le Tiergarten, le jardin d'agrément, est promu potager. Les charrues ont retourné la place des parterres et des corbeilles. Je les entends, ils arrivent. Ah, regarde Claire, la banderole. Bienvenue au premier fiancé de Berlin. Ma Claire, comme on est heureuse pour toi. Oui, quel bonheur. Bonsoir. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse. Ça se voit, tu sais. C'est vrai que ça se voit. Vous avez fait le bon choix. Tout le monde ici est fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, on trinque. Oui. Oui, venez. Oui. Claire, habille-toi vite. Via et Léon sont en bas, ils t'attendent, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Entrez. Claire, je suis renvoyé de l'armée. Cher papa, ce matin, 26 février 1946, au réveil, coup de théâtre. Rosen a reçu l'ordre de Meyer, ministre des Affaires allemandes, de renvoyer Via. Trois accusations. 1. Trafic illicite avec les Allemands durant la guerre. 2. Bénéfice illicite. 3. Membre de la cagoule. Vous imaginez l'état du pauvre Via et du mien? Rosen fait naturellement tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter cela. Il est inutile de vous dire, je pense que Via n'a jamais trafiqué avec les Allemands. Quant à la cagoule, il n'a été qu'à quelques réunions et n'a jamais rien fait. Il avait alors 20 ans. Mon papa, je suis navrée de ce nouvel ennui. J'avoue être bouleversée et j'espère que vous pourrez nous venir en aide. Tout cela vient évidemment des communistes. Cela promet pour l'avenir. Que pouvez-vous faire? Connaissez-vous meilleur? Mon papa, j'imagine si bien l'état dans lequel va vous mettre cette lettre que je ne sais que vous dire pour m'excuser. Mais le pauvre petit Ivan est aujourd'hui aussi malheureux qu'il était heureux hier, aussi triste qu'il est adorable. Je vous embrasse très fort. Berlin, 26 février 1946. Monsieur, je ne sais que vous dire, que vous écrire. Le terme « monsieur » par lequel je m'adresse à vous me paraît grotesque et désuet. D'autres mots, ce que je sens, je ne puis les écrire, aujourd'hui moins que jamais. Hier, retrouvant Claire, je me demandais ce que j'avais fait pour que le Seigneur me fasse si heureux. Ce matin, sous cette boue qui m'ensevelit, je me demande pourquoi une main me retire ce que l'autre me donnait. Notre retour à Berlin, cette histoire qui éclate le lendemain même, ce serait du mauvais mélodrame si ce n'était vrai. Horriblement vrai. Rosen s'est jeté dans la bataille avec tout le feu de son enthousiasme, avec toute la force de son amitié pour moi. Claire et moi, nous nous aimons, et je sais que cette affaire n'y changera rien. Mais sur le point matériel, sur le plan vital, elle va tout bouleverser et il serait vain de le nier. Ne craignez pas, s'il le faut, de me jeter par-dessus bord. Claire partage mon avis là-dessus. Je ne me noierai pas et l'amour de Claire me protégera. Si vous pouvez savoir d'où vient le coup, vous faciliterez ma défense et, dès que je serai assez fort, ma contre-attaque. Je vous supplie de ne pas engager votre nom dans la défense d'une mauvaise cause si les premiers renseignements vous la montrent perdue. En me défendant devant les autres, ne me condamnez pas au fond de vous-même, ce qui serait pire. Je vous aime et je vous vénère. Et je vous demande pardon. Ivan. Ils étaient combien à être admis hier à l'hôpital? 3. Tu es bien sûr, Claire? Oui, 3. Oui? Ah, bonjour, Olga. Bonjour. Les filles, je vous présente Olga, qui travaille comme traductrice pour Léon de Rosen. Bonjour. Bonjour, Olga. C'est pour vous un billet de vie. Oh, c'est invraisemblable. Quoi, mon chou? C'est invraisemblable, ce qu'elle peut dire souvent, c'est invraisemblable. Via m'écrit que le témoignage d'un général américain le lave intégralement des accusations de trafic illicite avec les Allemands. Ce général certifie qu'il était bien prisonnier durant toute la guerre, qu'il a combattu aux côtés des soviétiques, etc., etc. Toute personne normale devrait se réjouir, mais Via, non. Il est obsédé par sa soi-disant appartenance à la cagoule. Il parle de son honneur souillé. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes française depuis toujours. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'être obligée de tout quitter. Sa maison, ses biens, sa patrie, tout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'errer d'un pays à l'autre, de changer de langue, de culture. Vous ne pouvez pas concevoir une seconde ce que c'est d'être apatride. Il faut l'avoir vécu dans sa chair pour comprendre. Apatride. Je suis sûre que ce mot ne vous évoque rien. Alors, quand on a enfin trouvé un pays qui vous accueille, un pays qui offre la possibilité de tout recommencer à zéro, on s'accroche. On veut en être digne. Vous devez toutes faire un effort, comprendre sa fierté d'être français, comprendre le pourquoi de cet orgueil blessé et comprendre qu'il ne trouvera pas le repos avant d'être officiellement innocenté. Ne m'en voulez pas de ma fougue, Claire. Je suis timide, tous les timides, quand je me lance. D'ailleurs, je m'adressais autant aux autres qu'à vous. C'est par souci pour Via, pour que vous le compreniez mieux. Surtout vous, Claire, il vous aime tellement. Prouver que Via n'a jamais appartenu au mouvement d'extrême droite de la cagoule se révèle plus compliqué que ce que l'on était en droit d'imaginer. À Paris, au ministère de la Justice, des personnes non encore identifiées font obstruction. Léon de Rosen défend Via comme s'il s'agissait de lui-même. Et c'est pour cela qu'ils se rendent ensemble à Paris. Cette nuit, c'est Claire qui conduit. Tandis qu'à l'arrière, Via et Léon de Rosen dorment profondément. Je les laisse où ils veulent. Je dépose l'auto au garage et je vais voir mes parents. Le jour se lève sur une campagne paisible, couverte de rosée. Claire s'étonne de retrouver des paysages qui ne sont plus aussi marqués par la guerre ou qui ont été miraculeusement épargnés. Les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui. Ce n'est pas possible, je n'ai pas dormi, je ne ressemble à rien. Tu as vu mes cheveux et mes vêtements, ils sont tout froissés. Claire, je t'en prie. Non, et puis je veux te faire honneur, c'est tellement important, la première impression que les gens ont de vous, c'est déterminant. Je suis si heureux que tu rencontres enfin mes parents, si heureux. Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Bonjour. Excusez-nous, on aurait dû vous prévenir. Excusez-nous. Claire revoit les parents de Via, leur appartement. Deux mots s'imposent à elle comme une ritournelle. Laideur et pauvreté. Pauvreté et laideur. Comment Via a-t-il pu imaginer que cette rencontre inopinée leur ferait plaisir? Comment n'a-t-il pas vu les larmes dans les yeux de sa mère? Les gestes maladroits qu'elle avait eus pour tenter d'enlever ses ridicules bigoudis? C'est Claire qui, dans un élan de pitié, sincère pitié, avait eu le réflexe d'aller vers la femme, de l'embrasser et de s'excuser pour cette malheureuse intrusion. Un chagrin d'amour. Certainement. C'était « Mon enfant de Berlin » d'Anne Wiesemski. Adaptation Victoria Cario. Troisième épisode. Un chagrin d'amour, certainement. Avec Aurélia Petit, Claire. Julien Honoré, Via. Pauline Ziadé, Martine. Céline Milia Baumgartner, Misto. Mélanie Bestel, Roland. Agathe Le Bourdonnec, Plumette, Joachim Salinger, Léon de Rosen, Larissa Cholomova, Olga, Mathias et Gwanaël Simon, les passants, et Anne-Claude Romary, la narratrice. Et les voix de Louis-Marie Audubert, Bojana Orakova, Duncan Evenou, Tibor Radvani, Vladimir Kudravtsev, Guillaume de Marchelier, Gavin McDonough. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Renaud Flouzin-Rosic, Marie Le Peintre, Pierre Mine. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Laurence Courtois. Mon enfant de Berlin, d'Anne Wiesemski, est publié aux éditions Gallimard.